Je le sens bien, mon souverain. Viens-tu, viens-tu, souvent. Allez, les deux.

t'en vouloir, maître. Tu es charmante. Ah, je t'ai ménagé une surprise. Une jolie surprise. Regarde. Ah, le beau collier, il est digne d'une reine. Il fait bien les choses. Eh bien... Ce que j'aime le mieux en lui, pourtant, c'est... C'est ? La main qui le donne. Enfant, tu entres dans la vie. Tu es bonne et aimante. Le bonheur t'est promis sans doute. Souviens-toi de moi. J'entends vos amis. Vous allez jouer encore ce soir. Comme toujours. Il ne faut pas être inconstant. C'est la fin de la comédie, tu m'as compris? C'est bien. Sans parler, sans parler, j'adore. oublié qu'on l'a tout à l'heure. Oh, je rêve. La fortune, les femmes, courtines, la... La fortune, les femmes, pour qui la réclame et la dérigueur et dans ses caprices souvent au vice garder ses faveurs. Mais si les jeunes je vais tout disposer selon tes désirs. Espère. Puisqu'il le veut. Non, je ne veux pas vous imposer mon goût. Arakel, le marchand peut entrer. Ne vous impatientez pas, vous retournerez jouer tout à l'heure. Les belles filles! N'est-ce pas? Oh, le seigneur Aron est un homme généreux. Oui, oui, nous savons cela. Voyez, seigneur, jetez un coup d'œil sur ces trésors. Mentard! Alors, je m'en vais. Quoi? Seigneur, vous ne souffrirez pas que je vous dise. Et que m'importe? Arrange-toi avec Splendiano. Un seul regard, seigneur. Allez, vous autres, debout. Une vraie perle. Regardez, seigneur. On nous a fait perdre notre temps. m'y regarde pas de si près. Il faut pour éteindre ma fièvre une douce réalité. Et je vais boire à pleine lèvre un coup par notre volupté. Je vois ma maîtresse sourire, des mille accepte mes lois. Je vois ma maîtresse sourire, des mille accepte mes lois. Au rêve d'amour, au délire, je ne sais plus ce que je vois. Au rêve d'amour, au délire, non, non, non, non, je ne sais plus, non, non, non, non, je ne sais plus ce que je vois. Doucement nous irons ensemble sous les ombrages parfumés. Je presse sa main, elle tremble, ses yeux languissants sont fermés. Je me vois sûr de ma conquête, à peine la défense à moi. Je me vois sûr de ma conquête, à peine la défense à moi. Rien ne m'émeut, rien ne m'arrête, je ne dis plus ce que rien ne m'émeut, rien ne m'arrête. Non, non, non, non, je ne dis plus, non, non, non, non, je ne dis plus ce que je vois. C'est bien, plus tard. On m'attend. C'est la danseuse. Si vous saviez... Vas-tu me laisser tranquille? Qu'est-ce que tu me veux donc? Tout à l'heure si provocante, et maintenant tremblante et inquiète. C'est singulier. Hé, hey, mignon, t'aurais-tu dit du mal de moi? Voulez-vous... Ah, il ne m'écoute pas. Sauvage, comme il s'enfuit. Mais c'est délicieux, cette révolte. Je reste. Un mot, je vous prie. Prends cet or et va jouer à ma place. Va. Mais... Obéis donc et tais-toi. Après tout, je suis tranquille. Je sais bien qu'il la congédiera. Est-ce la crainte? Est-ce un caprice? So Je